cartes, je peux vous le rendre, seigneur, seigneur, car avec les soldats. Le Toreros peut s'entendre, pour plaisir, ils ont les compas. Oh, cirque plein, c'est jour de fête, le cirque plein, il y a ta part. Les spectateurs, elles vont la tête, les spectateurs s'interpellent par un braquet. Oh, postrophe, grisez ta page, poussez jusqu'à la fureur. Oh, c'est la fête du courage, c'est la fête de gens de cœur. Allons, en garde, allons, allons, oh, toréador, en garde, toréador, toréador, et songe bien, oui, songe un combaton, par les noirs te regardent, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour. On fait silence, ah, que se passe-t-il? De cris célestant, de cris célestant, les torrents s'élancent en bondissant, oh, du goril. Il s'élance, il entre, il frappe, un cheval roule, entraînant un picador. Oh, bravo Polo, tire la poule, le toro va, eh bien, eh bien, erre vainqueur. Un segue, c'est pas de rire, plein de fureur il court, le cirque plein de sang. On s'essobe, on franchit la grille, c'est un tour maintenant. Allons, en garde, allons, allons, oh. L'amour, l'amour t'attend.